En lisant, par Julien Bert de Turic. Chacun prend son plaisir où il le trouve. On voit des jeunes gens fortunés passer leur temps à courir les bals et les spectacles. D'autres n'ont de plaisir qu'en s'habillant à la dernière mode et en donnant le ton de l'élégance et du chic à leurs contemporains. D'autres encore, vissés du matin jusqu'au soir sur leur voiturette à pétrole, ne se déclarent heureux que s'ils ont détenu un record de distance ou de vitesse et gagner quelques prix sensationnels. D'autres, enfin, moins sportifs, collectionnent de vieilles médailles ou d'anciennes tabatières. Ernest Brunel, lui, le héros de cette histoire, 26 ans, physionomie intelligente et agréable, fortune considérable, ne rentrait, à proprement parler, dans aucune de ces catégories. L'élégance, il s'en moquait comme de sa première chemise. L'automobilisme, il ne le goûtait pas. L'art, il n'y connaissait rien. Dégoûté de la vie alors, demandera-t-on, nullement. Et Ernest était bien, à tout prendre, un des hommes les plus heureux qu'on pût voir. Est-il en effet un être plus heureux que celui qui a le temps et les moyens de satisfaire sa passion? Passion modeste, disons-le tout de suite, et facile à contenter que celle dont était animé notre jeune homme. Il adorait la lecture. Oh, pas la lecture des romans, ni des feuilletons. Non pas qu'il méprisât les aventures palpitantes qui s'étalent au rez-de-chaussée des journaux. Et parfois, comme un autre, il s'était pris à suivre avec anxiété les péripéties de ces histoires ingénieuses et tragiques en même temps que comptent si bien, pour le plaisir de leurs lecteurs, certains auteurs aimés du public. Même, on avait pu le voir souvent tenant en main un journal et témoignant par sa physionomie de l'intérêt qu'il portait à la jeune héroïne en but à la haine du traître. Mais ce n'était là pour lui que l'accessoire, le hors-d'œuvre ou le dessert, si l'on peut dire, le principal, son plat de résistance, pour continuer la comparaison, c'était le bouquin solide, classique, les ouvrages historiques, les mémoires. Bien qu'il lût toujours et tout le temps, et qu'il émerveillât ses amis par l'étendue de ses connaissances et la sûreté de son érudition, il ne parvenait point pourtant à lire autant qu'il l'eût souhaité. Il feuilletait les catalogues des libraires, souscrivait à la publication des ouvrages annoncés, achetait à l'hôtel des ventes des bibliothèques entières. Bref, c'était comme une sorte de gargantua de la lecture dont l'appétit ne se trouvait jamais rassasié. Un ami venait-il le chercher le dimanche pour se rendre avec lui aux courses ou bien en concert? Non, non, faisait Ernest, merci bien de ta gentille pensée, mais ne compte pas sur moi. Pourquoi? Demandait l'autre, serais-tu déjà engagé ailleurs? Du tout, seulement je préfère rester à la maison. Pour lire? Et ici, naturellement, un petit air de raillerie. Mais Ernest, habitué au sarcasme que son goût passionné de la lecture lui attirait, n'avait garde de se fâcher. Oui, pour lire, j'ose l'avouer. Voyons, c'est fou, une manie pareille, lui dit un jour un de ses meilleurs camarades. Fou? En quoi suis-je fou? Y es-tu plus raisonnable, toi, en passant ton temps chez les marchands de tableaux qui exploitent ta naïveté, te faisant passer une toile brossée par un rapin quelconque pour un Rubens authentique ou un Fragonard dûment signé? L'ami, Isidore, pour l'appeler par son nom, se sentit piqué. « D'abord, mon cher, répliqua-t-il, je ne suis pas si niais que tu voudrais me le faire croire, et si demain je vendais ma collection, j'ai la prétention qu'elle vaudrait un bon prix. Mais quand bien même, tu vois que j'abonde dans ton sens, je me ferai légèrement gruger. Ma fortune me permet ces fantaisies. En tout cas, et c'est là où je voulais en arriver. Ma manie à moi, si manie il y a, n'absorbe pas mon temps. Je trouve encore le moyen de me promener, d'aller au théâtre, au concert, au bal, de danser avec des jeunes filles charmantes, de m'offrir enfin les plaisirs qui sont de mon âge. Tandis que toi, n'est-ce pas ridicule? As-tu seulement regardé et admiré une jeune fille? As-tu goûté le charme d'une causerie à deux, dans un coin de salon, avec ces petits êtres de charme et de grâce? Enfin, as-tu étudié, comparé, t'as-tu fait une opinion, pour tout dire, de manière, au jour où il s'agira pour toi de convoler, de ne pas te lancer à la légère dans le mariage? Ernest prenait des airs stupéfaits. Le mariage. Eh oui, le mariage. Mais que me chantes-tu là? Je n'y ai jamais songé, moi, au mariage, et je n'y songerai certainement jamais. Alors, vrai ça, c'est le comble. Tu ne t'es jamais dit qu'un jour ou l'autre, cette vie de solitude que tu mènes te pèserait. Que tu pourras avoir besoin de sentir autour de toi la douce présence d'une femme jeune et aimante. Non, ma foi. fit naïvement Ernest. « C'est là une idée qui ne m'est jamais venue. » Et tout de suite, après réflexion pourtant, et d'un air convaincu, « Pourquoi m'ennuierais-je même sur mes vieux jours? N'aurais-je pas toujours mes livres? La lecture ne me distraira-t-elle pas jusqu'à la fin ?» À ce moment, il frappa légèrement sur un volume de maroquin fauve qui se trouvait sur la table. « Bah, jamais la joie du mariage, si tant est que ce soit une joie, ne vaudra pour moi le bonheur de découvrir, comme je viens de le faire ce matin, par exemple, dans un lot d'ouvrages acheté à l'hôtel des ventes, un petit bouquin comme celui-là, tiens. » Et Ernest prenait le livre et le palpait à présent. « Mémoire du chevalier de Grignotel sur les dernières réceptions de Madame de Maintenon à Versailles. » Isidore haussa les épaules. « Comme si tu n'avais pas digéré assez de mémoire depuis ta jeunesse, » fit-il. « Et comme si tu ne la connaissais pas par cœur, l'histoire de Madame de Maintenon, veuve du poète Scarron. D'abord, qu'est-ce que c'est que ça, le chevalier de Grignotel ?» Sur cette question, Ernest eut un sourire de triomphe. « Ah, tu vois bien, » s'écria-t-il, « un inconnu. Pas un critique encore, pas un archiviste paléographe ne l'a déniché dans l'histoire. Personnage oublié. Et peut-être cet exemplaire de ses mémoires est-il unique. Oh, cette joie de savoir ce que nul ne sait encore, ou tout au moins ce que peu de gens ont pu savoir. « Va toujours, » grommela Isidore, « incorrigible. » « Mais c'est toi qui es incorrigible de ne pas comprendre tout l'attrait. En fait, d'attrait, oui, je l'avoue. Rien ne vaut pour moi, celui d'une jolie femme. » Et brusquement, changeant de ton, passant du sarcasme à la prière. « Allons, mon vieux, pour une fois, ne fais pas la bête. « Laisse là ton chevalier de Grignotel pour venir avec moi aux courses. Un temps superbe, vois. Les femmes vont mettre leurs plus belles robes claires. Oh, en effet, à voir toutes ces toilettes, ces frais visages, on se prend à aimer la vie. Et quand je pense que tu n'as même pas l'idée du spectacle que peut offrir l'hippodrome de Longchamp un jour de printemps, allons, viens. » Isidore avait pris le bras de son ami, cherchant à l'entraîner. Mais Ernest, se dégageant, « Non, non, je préfère rester. » « Avec monsieur le chevalier de Grignotel ?»« Parfaitement, avec monsieur le chevalier de Grignotel. »« Soit, n'en parlons plus. Fais donc à ta tête, mon cher. Nous verrons à ces jours qui de nous deux avait raison dans la circonstance. » Une poignée de main, et Isidore partit, tandis qu'Ernest, prenant le précieux volume, s'enfonçait dans un bon fauteuil près de la fenêtre, allongeant les pieds sur un coussin, de manière à goûter, dans la posture la plus commode et la plus reposante, le charme de la lecture. Depuis une demi-heure déjà, Ernest, livré au doux plaisir de cette lecture, trouva un plaisir extrême à ses mémoires pleines d'esprit et fourmillant d'anecdotes, quand son doigt, qui tournait machinalement les pages, éprouva une certaine résistance. Un examen d'une seconde et Ernest constata que deux feuillets étaient collés ensemble. Qui plus est, il était facile de voir qu'entre les deux pages ainsi réunies se trouvait encarté un troisième papier. « Bizarre, » fit Ernest. Et avec d'infinies précautions, s'aidant d'un canif, voire même d'un peu d'eau chaude, il décolla les feuillets. « Un billet de 1 000 francs » s'écria-t-il au comble de la stupéfaction. « Et quoi? Une somme d'une telle importance cachée dans ce livre, que signifiait ?» Naturellement, Ernest palpa à la suite toutes les pages du volume, afin de savoir si ce billet avait été mis là seul ou bien s'il s'en trouvait d'autres. Deux fois, au cours de cette revue minutieuse, il sentit sous ses doigts une résistance plus forte. Et de nouveaux billets de 1 000 francs furent ainsi mis à découvert. Si Ernest eût été un pauvre diable en quête d'argent, cette fortune subite, venant ainsi sous sa main, l'eût inspiré des réflexions que l'on devine. Quel est mon devoir? Se serait-il demandé, dois-je garder cet argent pour moi ou le rendre à son propriétaire? Et des compromis entre lui et sa conscience eussent sans doute été faits. Mais là n'était pas le cas. Ernest, nous l'avons dit, étant fort riche déjà, n'avait nullement besoin de cet argent. La question ne se posant donc pas pour lui de le garder, il ne pouvait penser qu'à une chose, le rendre à celui à qui il appartenait. Mais là, nouvelle difficulté, tant il est vrai que dans la vie rien n'est simple, pas même les choses qui semblent devoir aller le plus facilement du monde. À quelle propriété, en effet, convenait-il de s'adresser? Le livre promenait d'une vente. Par combien de mains avait-il passé en conséquence? et qui assurait Ernest qu'en le restituant à son dernier possesseur, il retrouverait le véritable propriétaire de ses 3 000 francs. La solution du problème n'apparaissait pas à l'esprit de notre héros. « Bon, » fit-il bientôt, avec cet air détaché qu'ont en général les gens riches pour tout ce qui touche aux questions d'argent. « Bon, je ne vais pas pour si peu de choses me mettre l'imagination à la torture. » Et le seul moyen qui se présente à moi de dénouer la difficulté est d'envoyer ces 3 000 francs au maire de mon arrondissement en l'invitant à les distribuer aux pauvres. De cette manière, les malheureux n'auront rien perdu et tout sera pour le mieux. » Et content de cette solution qui lui semblait la plus simple, en même temps que la plus ingénieuse, Ernest se replongea dans la lecture des mémoires du chevalier de Grignotel. Eh bien, voyons, voilà qui est curieux. Qu'est-ce que j'ai donc? Et pourquoi mon esprit, en dépit de l'attention qu'il veut y apporter, se refuse-t-il à s'appliquer à comprendre le sens des lignes qui se trouvent devant mes yeux? Ce qu'il avait, et mon Dieu, une chose bien simple. Il avait que, malgré ce satisfacit qu'il venait de se donner, il ne pouvait, étant de nature droite et délicate, se trouver content de sa détermination. Envoyer ces 3 000 francs aux pauvres, facile à dire, facile à faire surtout, mais était-ce bien là ce que le devoir lui imposait? Et malgré lui, une foule de pensées vagues le hantait. Qui pouvait savoir? Et son imagination vagabonde lui montrait un pauvre homme, réduit pour dîner à céder entre 2 ou 3 francs à quelque bouquiniste ce livre trouvé au fond d'un tiroir, trésor dont il ne soupçonnait pas la valeur. Puis tout un roman se déroulait dans la cervelle d'Ernest. C'était une famille anciennement dans la splendeur et dont les ressources peu à peu s'étaient trouvées réduites. La femme et le mari, sur leurs vieux jours, avaient dû à mesure restreindre leur train d'existence. Loyer diminué d'abord, puis ils avaient été contraints de se défaire de leurs objets d'art. Les meubles ensuite avaient passé chez le brocanteur. Et enfin, la misère complète survenant, la bibliothèque avait été envoyée à l'hôtel des ventes. Ah, cette joie qu'éprouveraient ces braves gens, car ce ne pouvaient être que des braves gens, naturellement, en recevant ces 3 000 francs qui auraient si bien pu les tirer d'embarras et auprès desquels tant de fois ils avaient passé sans y prendre garde. Positivement, à mesure que s'excitait sa pitié, Ernest devenait romancier, échafaudant des situations, des épisodes émouvants. Parfois même, tant son esprit devenait inventif, il se prenait à sourire. « Oui, ma foi, » pensait-il en se moquant légèrement de lui-même, « oui, je sens que je deviens auteur. Et il ne manque plus, pour la complète réussite de toutes ces histoires que je trouve avec tant d'aisance, que de les faire finir par un mariage. » Bien entendu, tout en continuant à tenir en main le précieux bouquin, tandis qu'il réfléchissait ainsi, son regard était à 100 lieues du texte et il oubliait totalement de prendre connaissance des mémoires de ce bon chevalier de Grignotel. Pourtant, il est permis d'assurer que jamais, à aucun moment, le livre ne l'avait intéressé à ce point, mais comme on le voit, c'était moins par les idées qu'il contenait que par celles qu'il lui suggérait. La nuit vint ainsi sans qu'Ernest s'en aperçût. À cet instant, il avait pris son parti. Oui, il remonterait aux sources, ferait démarche sur démarche s'il le fallait, enfin, n'aurait de cesse qu'il n'eût restitué à qui de droit ces fameux 3 000 francs. Dès le lendemain, en effet, il se mettait en campagne. Oh, ce ne fut pas chose facile. Sans dire, comme de juste, ce que contenait le volume, il commença par interroger le commissaire-priseur qui avait été chargé de la vente. Celui-ci le renvoya à un marchand, qui lui conseilla de s'adresser à un vieux bouquiniste, lequel le mit en rapport avec un autre bouquiniste, qui d'autre part tenait le livre d'un papetier. Celui-ci l'avait acheté à un revendeur, et ce revendeur lui-même l'avait acquis dans un lot de vieux bibelots d'une famille habitant la rue Saint-Antoine. Malheureusement, le revendeur ne connaissait pas le numéro de la rue, ce qui s'expliquait par ce fait qu'il n'avait pas eu à se déranger lui-même. Un matin, cela remontait à plus de 6 mois, une jeune fille, il se rappelait même qu'elle était fort jolie, était venue le prier d'examiner un certain nombre d'objets qu'elle portait avec elle dans un panier. Il y avait là, si les souvenirs du revendeur étaient exacts, 2 candélabres, un rond de serviette en argent, 2 ou 3 autres objets de cuivre, dont une petite bouillotte en forme de buire, et 12aine de livres anciens plus ou moins bien reliés. Pour le tout, il avait donné 40 francs. « N'avez-vous pas reçu de cette somme ?» demanda Ernest. « Non, monsieur, à la façon dont la jeune fille s'est présentée au nom de sa mère malade. J'ai bien vu que j'avais affaire à des gens malheureux, mais honnêtes. Alors dans ce cas-là, n'est-ce pas? Autant s'éviter des frais de timbre. Si je sais que la personne habite rue Saint-Antoine, c'est parce qu'elle me l'a dit dans la conversation et que ça me revient maintenant. Quant à son nom, dame, je ne l'ai pas retenu. Durand, peut-être? Oui, ça pourrait être Durand. À moins toutefois que ce ne soit Duval. Ou Martin, ou encore. Renseignements précis, comme on le voit. Un nom de rue seulement est l'une des rues les plus longues de Paris. Pas de numéro, pas même de nom. Combien d'autres, à la place d'Ernest, se fussent découragés. Mais, phénomène bizarre, la difficulté excitait notre jeune homme au contraire. Et sur l'heure même, il se mit en campagne, ayant au préalable divisé sur le papier la rue Saint-Antoine en sections et se donnant comme tâche d'interroger un nombre fixe de concierges et de fournisseurs par chaque jour. Malheureusement, ce fut encore bien plus long qu'il ne le supposait. Combien de fois s'était-il vu obligé de revenir sur ses pas, de faire confirmer par l'un les renseignements donnés par l'autre? Combien de fois aussi, induit en erreur, crut-il toucher au but? Et en effet, c'était bien une détresse qu'il avait alors devant les yeux, mais une autre détresse que celle qu'il cherchait. Mais comme il avait bon cœur, et il ne pouvait rester insensible à la misère que l'hasard venait de lui faire découvrir, et tout en gardant par-devers lui les 3 billets de banque qu'il s'était juré de restituer à leur propriétaire, il en sortait d'autres d'une autre poche et laissait un peu de soulagement et de réconfort là où il passait. Faut-il parler en outre des pièces de 100 sous et de 10 francs qu'il avait à glisser dans la main de celui-ci ou de celui-là pour obtenir d'eux le moindre renseignement? Depuis plus d'un mois déjà, Ernest était parti en campagne et, en faisant ses comptes, force lui fut bien de s'apercevoir qu'il dépensait des sommes folles. De plus, il dut constater que son plaisir favori, son seul plaisir jusque-là, devrions-nous dire, la lecture, avait été négligée. Il n'avait pas en effet ouvert un seul bouquin. Pourtant, il ne s'ennuyait pas. Jamais même il ne s'était senti aussi heureux. Une nouvelle passion, celle de la charité, l'avait envahi tout entier, et cette passion, il était bien obligé de le reconnaître, lui offrait à présent des joies 1000 fois plus vives que l'ancienne. 207 terre, rue Saint-Antoine, tout en haut, sur le palier des chambres de domestiques. Ernest frappa, ayant vainement cherché un cordon de sonnette. Une jeune fille vint ouvrir. Oh, la radieuse beauté! Sans qu'il eût pu dire au juste pourquoi, Ernest eût donné la moitié de sa fortune pour trouver à cet instant celle qu'il cherchait. Quelques mots d'explication, selon son habitude, et il procéda à son interrogatoire ordinaire. Aussitôt un sourire de triomphe éclaira son visage. Quelle chance, mon Dieu! Plus de doute possible, oui, c'était bien là. Mademoiselle Estelle de Fonterive vivait seule avec sa mère malade. Chez ces pauvres femmes, rien ne demeurait de l'aisance d'autrefois. Et la jeune fille avait dû, au commencement de l'hiver passé, pour payer des notes de pharmacien, vendre différents objets, parmi lesquels se trouvait un vieux bouquin, Les mémoires du chevalier de Grignotel, retrouvé au fond d'une armoire. On devine la joie de ces pauvres femmes en recevant les 3 000 francs. Et leur reconnaissance envers Ernest quand ils apprirent de sa bouche tous les efforts qu'il avait dû faire pour parvenir à leur restituer cette somme. Inutile d'ajouter que, d'autre part, la satisfaction du jeune homme n'était pas moindre. Bien entendu, Ernest, nous dirions le contraire, qu'on ne le croirait point, demanda à ces dames la permission de s'intéresser à elles, et par conséquent de revenir les boire. Pouvait-elle refuser? Et quand Ernest partit, le regard dont l'enveloppa celle à qui il venait ainsi d'apporter une petite fortune, ne laissait pas de doute sur les sentiments qu'elle ressentait envers ce sauveur inattendu. Eh bien, qu'est-ce que j'apprends? S'écria Isidore en faisant irruption un beau matin chez son ami. Tu te maries! Et avec une jeune fille délicieuse, paraît-il, Mademoiselle de Fontrive. Où as-tu donc fait sa connaissance? Au bal, sans doute, ou bien au concert? Tu vois donc bien que j'avais raison, et qu'un jeune homme de ta condition devait aller un peu dans le monde en vue de se marier. Erreur, répondit Ernest. Comment? Tu me reprochais d'avoir la manie de la lecture. Je lui dois mon mariage, pourtant. En effet, sais-tu comment j'ai pu connaître ma charmante fiancée? En lisant. Julien Bert de Thuringe.